oui, salut à tous, voilà, c'est l'émission Fleur de Peau. Alors des nouvelles, il y en a pas mal, il y a les déclarations de notre cher, très cher président. Oui, il a l'air de déconner complètement, de se prendre la tête, ça y est, ça lui a gonflé le cerveau, tout ça. C'est vrai que le pouvoir transforme les individus, c'est malheureusement à chaque fois pareil. On se dit, tiens, pourquoi pas, un petit jeune, voilà, ça va changer, peut-être qu'il va nous faire un peu autre chose. Non, pas vraiment, il retombe dans tous les travers de la politique, dans ce qu'il y a de plus triste, Voilà, bon, on va parler de ça tout à l'heure, je vais vous mettre un peu de musique, j'ai retrouvé un vieux disque de... je sais plus qui c'est, attendez, on va l'écouter, et puis je vous dirai après. Lorsque je suis arrivée dans la capitale, j'aurais voulu devenir une femme fatale. Mais je ne buvais pas, je ne me droguais pas et n'avais aucun complexe. Je suis beaucoup trop normale, ça me vexe. Je ne suis pas parisienne, ça me gêne. Je ne suis pas dans le vent, c'est navrant. Aucune bizarrerie, ça m'ennuie, pas la moindre affectation. Je ne suis pas dans le ton, je ne suis pas végétarienne, ça me gêne. Je ne suis pas karatéka, ça me met dans l'embarras. Je ne suis pas cinéphile, c'est débile. Je ne suis pas MLF, je sens qu'on m'en fait grief. Bientôt, j'ai fait connaissance d'un groupe d'amis vivant en communauté dans le même lit. Comme je ne buvais pas, je ne me droguais pas et n'avais aucun complexe, je crois qu'ils en sont restés tout perplexes. Je ne suis pas nymphomane, on me blâme. Je ne suis pas travesti, ça me nuit. Je ne suis pas masochiste, ça existe. Pour réussir mon destin, je vais voir le médecin. Je ne suis pas schizophrène, ça me gêne. Je ne suis pas hystérique, ça se complique. Odile, le psychanalyste, que c'est triste. Je lui dis, je désespère, je n'ai pas de goût pervers. Me dit le docteur en se rhabillant. Après ce premier essai, c'est encourageant. Si vous ne buvez pas, vous ne vous droguez pas et n'avez aucun complexe, vous avez une obsession, c'est le sexe. Depuis je suis à la mode, je me rôde dans les lits de Saint-Germain. C'est divin. Je fais partie de l'élite, ça va vite. Et je me donne avec joie tout en faisant du yoga. Je vois les films d'épouvante, je m'en vante en serrant très fort la main du voisin. Me sachant original, je cavale, j'assume ma libido. Je vais draguer en vélo. Maintenant je suis parisienne, je me surmène et je connais la détresse. Enfin à l'écologie, je m'initie. Et loin de la pollution, je vais tendre mes moutons. Je vais tendre mes moutons. Et ben voilà, c'est Marie-Paul Bell qui va tendre ses moutons. C'est un vieux disque, ça revient à 30, 40 ans ça. Mais c'est toujours marrant, intéressant. C'était bien fait en tout cas. Alors, le discours de Macron, je sais pas, il paraît qu'il avait bu trop de vin de messe. Et il y a un conseiller PC, Parti communiste de Paris là, qui dit « Abuser de vin de messe nuit gravement aux capacités mentales ». Oui, c'est vrai que pour croire à de telles sornettes, il faut quand même avoir des facultés intellectuelles un peu amoindries. Quand il déclare que nous partageons confusément le sentiment que le lien entre l'Église et l'État s'est abîmé et qu'il importe à vous comme à moi de le réparer. Ouais, en plus il a dit entre l'Église et l'État, il redit encore entre l'Église et la République, c'était plus vague, c'était plus général. Et à la rigueur, ça aurait pu passer, mais entre l'État c'est le lieu du pouvoir. Et depuis la loi de 1905, les religions n'ont rien à foutre dans les lieux de pouvoir. Ils sont dans la République, ils sont partie prenante comme d'autres, Et voilà, c'est tout, ça en reste là. Et ils n'interviennent pas dans les lieux de pouvoir, justement. Et qu'il ait déclaré ça, parce que, quand même, il a dû se relire, ou il a dû relire le texte qu'on lui avait donné, que le lien entre l'Église et l'État s'est abîmé. En quel honneur ? En quel honneur il se permet une réflexion pareille, alors qu'on est un État laïque, que les religions n'interviennent pas dans les lieux de pouvoir ? Alors, bien sûr, ça renforce tous les communautarismes religieux, parce que s'il ouvre la porte à l'Église catholique, pourquoi pas aux musulmans, pourquoi pas aux juifs, pourquoi pas aux protestants, enfin, toutes les sectes ou les grandes ou les religions, ce qui est la même chose d'ailleurs. Sauf que les religions, ben, c'est quelque chose qui s'est un peu plus développé. Donc voilà, donc je trouve que c'est lamentable ces déclarations-là. Alors qu'est-ce qu'il cherche ce mec-là ? Est-ce que vraiment il est complètement atteint ? Que ses neurones se sont dégradés aussi vite ? Ouais. Enfin c'est inadmissible. Ouais, inadmissible qu'il sorte des trucs pareils. Ce serait un pauvre député, un ministre à rigueur encore, mais un chef d'État qui déclare ça, c'est quand même grave. Ouais. Il s'y croit, notre petit Macron, bah oui. Faut pas qu'il se prenne trop la tête quand même, il n'a été élu qu'avec 28% des Français. Donc c'est loin d'être une majorité. En plus, avec tous les conflits qui arrivent, je suis pas certain que c'était l'occasion d'en ouvrir un nouveau. Ouais. Il y en a qui disent que c'est parfaitement irresponsable. La laïcité est notre joyau. Voilà ce qu'un président de la République devrait défendre, plutôt que de parler des religions et du communautarisme religieux. Ben oui, parce que je ne vois pas pourquoi les musulmans ne participeraient pas non plus. Il revient 50 ans en arrière lorsqu'on disait que la France était la fille aînée de l'Église catholique. Ouais, c'était les catholiques qui disaient ça, mais c'était bien encore. C'était dit et répété assez souvent. Je pense qu'il y a d'autres choses à faire. Pourtant, parfois, il déclare des choses intéressantes. Il ne dit pas que des conneries. L'autre jour, voilà, il y a eu un discours, là, il dit « Imaginez, vous vous réveillez et quelque chose a changé. Vous n'entendez plus le chant des oiseaux, vous regardez par la fenêtre. Les paysages que vous avez jadis chéris sont désormais desséchés et toute vie en a disparu. L'air et l'eau, tout ce que vous respirez et qui permet la vie est altéré. Ce n'est pas un cauchemar et encore moins une illusion, vous le savez. Vous le savez parce que nous en constatons les premiers effets. » Le temps du déni est révolu. Nous ne sommes pas seulement en train de perdre la bataille contre le changement climatique, nous sommes en train de perdre notre bataille contre l'effondrement de la biodiversité. En plus, ça va ensemble. Et c'est Macron qui a déclaré ça. Alors, je ne sais pas qui c'est qui lui a écrit ce texte, si c'est le même que celui qui a parlé de la religion. Ouais. Je ne suis pas sûr. Mais il faudrait peut-être un peu de cohérence quand même. On ne peut pas déclarer tout et n'importe quoi et puis faire le contraire. Lorsqu'on prend des décisions politiques, c'est inadmissible. On continue à recevoir les dictateurs, à vendre des armes à tous les voyous de la planète, l'Arabie Saoudite entre autres, pour qu'ils puissent écraser, bombarder, etc. Continuer ces guerres inadmissibles, où on empoisonne les gens, les bombarde avec des produits dangereux. Mais tout va bien, alors peut-être que la France va envoyer deux mirages, faire péter une bombe par là-bas, qui n'empêchera pas l'autre de continuer, mais bah oui, ça, il y a quelque chose qui ne va pas quand même, il y a quelque chose qui déconne, il y a autre chose à faire que ça, ces guerres abominables, parce que ces guerres résultent de conflits internationaux, mondiaux, entre la Russie, l'Amérique, les États-Unis, la France qui participe, quelques autres pays. Bien sûr, c'est une guerre stratégique, la Chine qui est derrière, qui attend de voir. Et donc, ben voilà quoi. Ouais, c'est les peuples, les populations civiles qui prennent tout sur la tête. On le voit avec les Kurdes là, les Kurdes de Syrie, d'Irak, de Turquie, qui se font massacrer par Erdogan. Erdogan qui a été reçu aussi dernièrement à Paris, bah oui, par Monsieur Macron, on voit bien. Voilà. Alors quand Macron il s'est fait tout petit quand même, hein. Il lui a essayé de le reprocher quand même. Il lui a proposé sa proposition de médiation entre les Kurdes syriens et la Turquie. Et Erdogan l'a envoyé promener. Bien sûr, un dictateur n'accepte pas la discussion. Et il lui a même dit « Qui es-tu pour évoquer une médiation avec une organisation terroriste ?» Qui es-tu, petit Macron ? Ouais, il n'a pas dit petit Macron, mais on le sent derrière. Il lui a dit, ceux qui s'engagent dans la coopération et la solidarité avec les groupes terroristes contre la Turquie risquent de devenir, tout comme les terroristes, une cible de la Turquie. Eh ben oui, Erdogan, qui fait partie de l'OTAN, oui. Et qui est soutenu par la Russie, on n'a pas peur des contradictions, ça ne gêne pas. Alors, voilà, ils disent à la France, reste où tu es, tu n'as rien à faire en Syrie. Voilà. Alors, pour calmer les esprits, la France a dû exclure toute nouvelle opération ou envoi d'hommes à ce stade, évoquant une simple adaptation de son dispositif militaire en Syrie, dans le cadre de la coalition internationale. Voilà, tout le monde se tient par la barbichette. Tout va très bien, la guerre va encore continuer un petit moment. En plus, c'est pas inintéressant au niveau commercial, puisqu'on vend des armes qui sont détruites aussi vite, puisqu'on bombarde, on casse, on détruit. Et tout ça, il faudra bien le reconstruire, donc ça va faire du boulot. Bah oui, ça va créer des activités économiques. Ça, c'est important. Développement économique, de la croissance. Mais oui, de la croissance. Allez. Quand je pesais 120 kilogrammes comme un éléphant, j'occupais, c'était tout un drame. Place dans le métro. Quand je prenais une caravelle, ça penchait d'un côté. Quand je montais sur la tour Eiffel, je la sentais vaciller. Poussant mes bourrelets et dentant mes doubles mentons séduisants, j'ai tout perdu. Gorge, je prenais le modèle au-dessus. Maintenant j'ai l'air d'un sucre d'orge et je n'en porte plus. Tous mes amants pour mieux me plaire m'offraient en même temps avec la clé de leur frigidaire celle de l'appartement. Où sont mes bourrelets? Perdez vos calories. Maintenant ma main se rétonne, je ne plais qu'au couturier. Il m'habille mais y a plus personne pour me j'ai tout perdu avec ce régime. Mes grammes superflus et mes amants. Et ben voilà, puisque Macron parle de réconciliation avec l'Église, l'État, machin, on va continuer, tiens, dans la même veine des religions, entre autres catholiques. Il y a le Vatican, on a un prêtre, ex-diplomate, qui est arrêté pour consultation d'images pédophiles. Le Vatican a annoncé, samedi 7 avril, l'arrestation de l'ex-conseiller auprès de l'ambassade du Saint-Siège à Washington, pas rien quand même, Carlo Alberto Capella, qui est soupçonné d'avoir consulté des images pédopornographiques. Voilà. Voilà, c'est une exception. C'est une exception, ma fille. Et aussi l'Islande, là, qui veut interdire la circoncision. Eh ben oui, interdire l'ablation du prépuce d'un mineur sans raison médicale sera alors passible de 6 ans de prison. Alors ça, c'est controversé, c'est compliqué, parce que on sait que la circoncision empêche les... protège pas complètement, mais il y a moins de risques d'attraper des maladies vénériennes lorsqu'on est circoncis. Alors, oui. Alors, est-ce que c'est une violence? Est-ce que c'est une torture? Le droit à l'enfant? Ouais, alors, ils disent qu'en général, c'est pratiqué sans anesthésie, dans des maisons qui ne sont pas stériles, par des leaders religieux qui ne sont pas médecins. Ça risque, ça peut entraîner des infections. Alors, voilà. Enfin, c'est surtout une interdiction qui affectera principalement les communautés juives et musulmanes de l'archipel. Alors, tous les responsables religieux islandais s'y opposent. L'imam machin craint l'essor de la clandestinité qui pourrait entraîner des risques pour l'enfant. Mais ils existent déjà. Oui. ouais, enfin bref. Il met en garde contre la persécution des individus pour des motifs religieux. Ouais. Les Allemands avaient encadré la circoncision après une polémique suscitée par le jugement d'un tribunal qui avait considéré l'ablation du prépuce sans raison médicale comme une blessure corporelle passible de poursuites pénales. L'année suivante, le Conseil de l'Europe a adopté une résolution demandant à ses 47 États membres d'en réguler la pratique. Voilà. Alors, notre sujet de controverse, là, il ne s'est pas prononcé, Macron. Ah ben non, circoncision ou pas circoncision. Ouais. Bon, allez, il faut se détendre un peu quand même. Sinon, ben tiens, il y en a un qui fait naître Macron, là. Ouais, qui parle de la pauvreté. Alors, aujourd'hui, il y a 9 millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire 14% de la population du pays. 14% de la population du pays, considérée comme la plus riche du monde. 14%, c'est pas rien quand même, qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est vrai qu'il y a du pognon quand on voit les bagnoles, les trains de vie de certains, les yachts et tout le bazar. Ouais. 3 millions d'enfants et leurs familles vivent sous le seuil de pauvreté et attendent des gestes forts pour sortir de la précarité, comme l'accès à la cantine pour tous, la garantie d'être scolarisé pour ceux qui vivent à l'hôtel ou en bidonville, et d'avoir accès à la protection maternelle et infantile ou à la médecine scolaire. Des milliers de mineurs non accompagnés sur le territoire français sont laissés à l'abandon, proie facile pour les trafiquants, la prostitution et tout ce qu'on veut. 54% des jeunes vivant dans des quartiers prioritaires souffrent d'un manque d'accès au savoir, 40% sont privés de loisirs et 20% sont victimes de privations matérielles et de soins. Voilà. 54% des gens vivant dans les quartiers prioritaires souffrent d'un manque d'accès au savoir. Ça aussi, ça peut favoriser le fanatisme et la folie furieuse. Des milliers de gens sortent de l'aide sociale à enfance dès 18 ans. 25% sont sans domicile fixe et certains passent le bac en vivant dans la rue. 9,5 millions de personnes reportent ou renoncent à des soins, dont 64% des femmes. Elles sont méconnues des politiques publiques alors que leur santé est pourtant dégradée et l'accès aux soins entravé. Pardon, ça a coupé. 5 millions de personnes souffrent d'insuffisance alimentaire et sont aidées par des réseaux associatifs. Parmi elles, 34% des bénéficiaires sont des enfants de moins de 15 ans. Près de 4 millions de personnes sont mal logées et 140 000 sont sans abri. Près de 2 millions de demandeurs sont en attente d'un logement social. L'engagement de l'État pour aider au financement de logements très sociaux est insuffisant. Sur 150 000 logements sociaux à construire chaque année, il faudrait en financer la moitié en très sociaux. Il faut savoir qu'il y a de nombreux logements sociaux qui sont fermés dans les petites villes, dans les campagnes comme chez nous. Donc on pourrait aussi réfléchir à comment faire venir à installer des gens par ici, puisqu'on sait que les Vosges, la Lorraine en général, a une population qui baisse. Il y a plus de 9 millions de personnes qui sont touchées par le surpeuplement qui accroît la pauvreté déjà persistante et la précarité des familles fragilisées face au marché du logement. C'est vrai qu'il y a des gens qui se regroupent à 10, 15 dans un petit logement. Cela a des conséquences sur leur sommeil, leur santé, la scolarité des enfants, rend la vie sociale restreinte et compliquée. 12 millions de personnes souffrent de précarité énergétique. La France recense plus de 2,5 millions d'étudiants. Plus de 50% d'entre eux rencontrent des difficultés financières. Certains fréquentent les Restos du Cœur ou les épiceries solidaires et sont obligés de se loger dans des espaces insalubres à la merci des marchands de sommeil. 5 millions de personnes n'ont pas de relations sociales et souffrent de solitude. Alors, il y a les personnes âgées aussi, mais aussi 40% de familles monoparentales. Des milliers de migrants déboutés du droit d'asile en instance d'être renvoyés dans un autre pays européen ou sans papier, ou dans l'attente de leur régularisation, vivent dans la misère, sans perspective. Voilà, ça se passe en France. En France, en 2018. Ça serait plutôt de 1918. C'est un lapsus révélateur. Voilà, c'est un rapport qui est fait par le président national des politiques contre la pauvreté. Retenez bien ce chiffre, 14% de la population du pays est en dessous du seuil de pauvreté. Ben oui, c'est pas compliqué de changer ça. Non, quand on est président de la République, hein, maintenant ce qui est important, c'est le lien entre l'Église et l'État. Ouais. Comment il a dit ? Ouais. Le lien entre l'Église et l'État, oui, c'est ça. Alors l'Église, qu'est-ce que ça veut dire ? L'Église, c'est pas clair en plus. Alors, si vous intéressez à la pauvreté en France, il y a ce soir, à 20h55, un documentaire sur France 5, « Pauvres de France, précieuses paroles ». Alors, il y a des témoignages qui explique la diversité du tableau sensible de vie précaire. Voilà, je pense que c'est à regarder. Bon, je n'ai pas encore la télé, mais ça viendra un jour. Non, ça ne viendra pas, mais le film peut être intéressant quand même. Pauvre de nous, de Claire Lajeuny, c'est sur France 5, ce soir, à 20h55. Voilà. Alors, je parlais de repeuplement éventuel, d'inciter les gens à venir ici. Il ne s'agit pas de les amener dans les campagnes de manière autoritaire, non, mais c'est vrai que la France l'a fait ça un certain temps. C'est pas si vieux. C'est entre 1962 et 1984, 2015 mineurs réunionnais relevant de l'aide sociale à l'enfance ont été transplantés en métropole par une société d'État, le Bureau des migrations des départements d'outre-mer. Donc ça veut dire que, vous voyez, la puissance d'un État quand même, il est capable de tout faire, il est capable de déporter des enfants, ah ben ouais, de l'île de la Réunion pour les dispatcher en France, notamment dans la Creuse, mais pas que dans la Creuse. Alors il y a eu 2000 jeunes qui ont été répartis dans 83 départements. Alors, mise en place le 9 février 2016, c'est une commission d'enquête qui a... C'était mise en place par Paul Langevin, alors ministre des Outre-mer. La commission d'information et de recherche historique présidée par le sociologue Philippe Vital. Alors, ils ont rendu leur rapport. Pour les auteurs de l'étude, les enfants de la Creuse, avec leur cortège de souffrances individuelles, sont un révélateur à la fois des pratiques et des dysfonctionnements qui caractérisaient, selon la SE, c'est l'Association sociale à l'enfance. Ah ben, ils ont tout pouvoir, hein, ils ont tout pouvoir. Près d'un tiers de ces enfants relevant des services sociaux sont arrivés en métropole avant l'âge de 5 ans et près de la moitié entre 5 et 15 ans. Alors, pourquoi la Creuse s'est-elle hissée au premier rang des départements d'accueil ? D'abord pour des raisons démographiques. Au milieu des années 1900, ce département rural s'est dépeuplé. Le taux de natalité y est faible et la population vieillit. Et pour des raisons circonstancielles, constatant l'insuffisance des structures adaptées pour accueillir tous les orphelins, enfants abandonnés, devenus pupilles, enfants en danger, placés sur décision du juge des enfants, un directeur du service de la population, Jean Barthes, organise le transfert de mineurs dans un foyer de la Creuse avec l'assentiment de son homologue dans le département. Affecté dans la Creuse en 1966, il y crée un centre d'accueil et de placement des pupilles réunionnais avec l'autorisation du préfet. Il semble aujourd'hui évident de dénoncer comme une hérésie l'implantation d'enfants de la Réunion à plus de 9000 km de chez eux. Dans les campagnes de l'Hexagone, frappées par l'exode rural, ajoute-t-il. À l'époque, le contexte fait que la très grande majorité des esprits n'est choquée ni à La Réunion, ni dans l'Hexagone. La dénonciation de la transplantation n'a finalement pris corps qu'avec la prise en compte des apports de la pédopsychiatrie. Il aura fallu le recours engagé en 2002 par un de ses enfants de la Creuse, Jean-Jacques Martial, pour que cette affaire soit exhumée. Nous avons tous été des cobayes, dit-il. Si certains ont pu s'intégrer, beaucoup ont fini dans les centres psychiatriques. Quelques-uns se sont suicidés. Tous ont été atteints par cet enlèvement, déclarait cet homme qui avait redécouvert son passé à 42 ans. Sur les 2015 enfants réunionnais identifiés, seuls 150 se sont fait connaître. Alors ils proposent d'ouvrir sur le site du ministère une page spécifique où chaque personne qui pense être concernée pourra faire une demande et obtenir une réponse. Précise la ministre, Annick Girardin. Celles qui souhaitent pouvoir se réapproprier leur histoire pourront bénéficier d'un accompagnement. Il y a certaines associations, elles, qui réclament un dédommagement des préjudices causés. Voilà, je trouve que ça serait souhaitable, mais Annick Girardin, la ministre, n'a pas parlé de ça, elle a parlé d'accompagnement, se réapproprier son histoire, machin, ouais. Voilà ce qu'un État est capable de faire, en tout cas. François, je garde encore mon cant à soi. Quand on s'amuse à noisy le sec, je n'ai déjà plus un poil de sec. Quand on danse à Saint-Just en chaussée, je prends soin d'être bien chaussé. Car les garçons de Plessis le Vieux vous piétinent tant ils sont joyeux. On peut dire sans vouloir être Chopin qu'on s'amuse dans les petits patins. On peut dire sans vouloir être Chopin qu'on s'amuse dans les petits patins. Y'en a qui vont aux Bahamas pour s'enivrer de maracas. Y'en a qui vont à Bilbao pour danser le tango. Quand je veux marrer une heure ou deux, moi je vais danser dans mon chef-lieu. Quand on danse à Mérigny-le-Pont, sous les lampions, on est champion. Quand on s'amuse à la ville Saint-Jean, on vient de tout département. Quand on danse à la motte en Beuvron, pour les beuveries, on est légion. Quand on danse à la chapelle Catus, y'a la queue pour prendre le bus. On peut dire sans vouloir être chauvin, quand ça Y'en a qui vont aux antipodes pour danser des danses à la mode. Y'en a qui vont de Tombouctou pour ne pas y danser du tout. Quand je veux marrer une heure ou deux, moi je vais danser dans mon chef-lieu. Quand on danse avec on les bruyères, tout le monde y va, même les centenaires. Quand on s'amuse en Lot et Garonne, on voit toujours la même personne. Quand on danse à la Garenne Beson, c'est fou ce qu'on rit dans les buissons. Quand on s'amuse en Meurthe et Moselle, on en revient rarement plus belle. On peut dire sans gloire et Chopin, qu'on s'amuse dans les petites patelins. On peut dire sans gloire et Chopin. Et tiens, on va continuer, bah oui. Tiens, on va parler de Notre-Dame-des-Landes un peu, bah oui. Dans la violence qui monte, bah oui, on a pas peur de détruire, de casser, etc. Il y a des jeunes qui s'étaient installés là-bas, qui avaient envie de vivre comme des agriculteurs, de cultiver la terre, d'élever des animaux, etc. Et ben, on les a virés comme des malpropres, alors, ouais. Alors qu'on aurait pu réfléchir à comment les aider à s'installer plus correctement, mieux les aider, mieux leur distribuer des terres avec des baux qui puissent s'y investir, y travailler sérieusement, parce que là tout est, ben on ne sait pas si ça va durer, si ça va pouvoir se faire, et quand on travaille dans l'agriculture, il faut un certain délai, avoir une sécurité, sur notamment la possibilité d'exploiter les mêmes terres pendant un certain temps. Mais M. Colomb ne veut pas de ça. Non, non, il n'en est pas question. Pas question, parce que derrière, il y a aussi la grosse agriculture, les agri-managers qui convoitent ces terres. Elles sont très intéressantes. Donc, ils ne vont pas les laisser des petits gaillards comme ça, qui élèvent 3 moutons, 2 poules. Non, on ne veut pas de ça. On va pouvoir refaire une grande zone céréalière ou je ne sais trop quoi, ou cultiver du colza qui ira alimenter les usines de méthane. Ouais, enfin, voilà quoi. Alors, ils ont détruit toutes les cabanes qui avaient été faites. Des cabanes qui étaient habitables, hein, où ils ont vécu déjà depuis quelques années. Donc, ben voilà, la France montre ses muscles. Ouais, Monsieur Colomb, je pense qu'il a encore beaucoup de muscles, mais il a le pouvoir. Il a le pouvoir et il a la force. La force, pas lui personnellement, mais il a la force à sa disposition. Il a dit, nous procédons avec ordre et méthode. Voilà, squat après squat. Oui. Voilà, donc tout va bien. L'État s'installe. L'État montre sa force, sa puissance. C'est drôle parce qu'il n'intervient pas toujours de la même manière. Par exemple, il y a l'EPR de Flamanville, fameux EPR, un nouveau réacteur, qui allait révolutionner tout le nucléaire. Ouais. Alors là, troisième génération de l'EPR. Ah oui, voilà. Eh ben oui, alors il devait coûter 3 milliards. On en est à 9 milliards et c'est pas fini. Non, pas 9 milliards. On en est à 10 milliards et demi par rapport... Ouais. Ça a été multiplié par 3, voilà, facile. Et c'est pas fini, puisque là, il y a 150 soudures suspectes. Ah ben oui, on va nous dire que c'est banal. Non, ben il faut les refaire. Il faut les refaire, ces soudures. Alors, pour refaire une soudure, c'est des tubes de 50 à 75 cm de diamètre. Alors, les soudures avaient d'abord été contrôlées par le groupement des entreprises qui les avait déclarées conformes. Eh ben oui, au fur et à mesure de leur réalisation. Mais le contrôleur d'EDF, lui, a constaté qu'elles n'étaient pas bonnes. Et qu'il faut les refaire, et ça coûte très cher. Alors, je suis en train de chercher, là, Les coûts sont pas encore définis. Ben non. Il y a déjà 7 ans de retard sur les prévisions. 7 ans de retard. Et pour refaire une soudure, c'est 6 à 8 semaines de travail. 8 semaines. Multiplié par 150. Comment ça fait ça? Hein? 1200. Enfin bref, ça fait quelques années encore. Oui, ça va faire un peu de temps. On n'est pas là. Là, par contre, 10 milliards là-dedans, ça gêne personne. Non, ça gêne personne. Et tout à l'heure, on parlait de la pauvreté en France. 14% de la population qui est sous le seuil de pauvreté. Avec ces 10 milliards là, dans une centrale nucléaire qui sert à rien, qui est déjà pourrie, qui ne fonctionnera sûrement jamais. Et alors que le nucléaire, on sait qu'il faut arrêter ça immédiatement. Parce qu'après, ben, c'est des déchets, c'est bure, c'est tout ça. Alors, ben, voilà, ça ne gêne pas. Ça ne gêne pas de foutre 10 milliards en l'air, comme ça. Ça ne sert à rien, on peut développer des énergies alternatives avec 10 milliards. On peut faire du solaire, on peut faire de l'éolien, on peut faire de l'hydraulique. On peut faire beaucoup de choses quand même. Non. C'est le lobby du nucléaire qui a décidé qu'on ferait un EPR, puis EPR, ça fait travailler les cimentiers, les grandes entreprises, avec les crues, avec tout ça, ben oui. C'est pas du petit artisanat, ça. Mais non, voilà. Voilà les choix politiques qu'aurait pu faire le nouveau président. Ouais, non, lui, ce qui l'intéresse, c'est recréer une meilleure communication entre les églises et l'État. Ouais, les églises et l'État. Et les mosquées et l'État. Ben oui, pourquoi pas les mosquées. Et puis les... Comment ça s'appelle, les juifs? Les synagogues. Et puis, je sais pas quoi. Tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut. Ouais. Quand même. Le petit Macron, comme les autres, il a la tête à l'envers. Même si tu t'en vas de Paris, même si tu oublies que tu aimais le ciel gris, même si tu t'en vas de Paris, même si tu oublies que tu aimais la pluie, même si un jour tu réussis, même si à tes fenêtres le ciel n'est plus gris, même si tu as d'autres amis, même si Paris devient pour toi trop petit, n'oublie pas les boulevards, les travaux, les trottoirs, les détours, les retards, les coups de pompe, les coups de tête, les coups de cœur, les coups de frein. N'oublie pas, on est bien. N'oublie pas le métro, les brouillards, les matins, les hasards, les bistrots, les pars-vite, les reviens, les je t'aime quotidien. N'oublie pas qu'on est bien. Même quand tu me parles soleil, même quand tu as moins de courage que la veille, même quand tu t'habilles en silence, même quand tu prétends que tu n'as pas de chance, même si tu prends un raccourci, même si je préfère flâner sous le ciel gris, même si tu t'en vas de Paris, même si tu oublies que tu aimais la pluie, n'oublie pas les problèmes, les fringales des fins de mois, devant un café crème, les annonces tant pis. N'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas notre vie. N'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas les dimanches, les conneries des copains, le climat des nuits blanches, les verres vides, les verres pleins, les cafards, les tendresses. N'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas ta jeunesse. Allez, on va continuer les nouvelles internationales qui ne sont pas joyeuses non plus. Ah oui, au sujet du nucléaire, je voudrais revenir là-dessus. Au sujet de la, du dernier, des dernières condamnations des jeunes de Bure, là, qui sont passés au tribunal. Bon, soit disant qu'il y en a qui ont laissé des cailloux, etc. Je n'ai pas lu le verdict, ce qu'il en est. Je ne sais pas s'il a été donné d'ailleurs. Mais ce que j'ai trouvé inadmissible de la part des militants antinucléaires, c'est d'avoir viré les journalistes de la salle du tribunal. Ça, je trouve ça inadmissible. Ils peuvent ne pas être contents des reportages qui sont faits ou des commentaires que les journalistes peuvent faire sur eux. Mais il faut absolument protéger les journalistes. C'est quelque chose d'important. Toutes les dictatures éliminent les journalistes, on le voit dans tous les pays de l'Est, là, d'un pays fascisant, on le voit en Russie, Azerbaïdjan, partout, on tue les journalistes. Donc c'est inadmissible de la part des militants qui se disent de gauche, plus ou moins, de sortir des journalistes d'une salle de tribunal. Moi je n'approuve pas ça, c'est absolument déplorable. Et voilà. Bon, alors on va continuer sur les guerres ailleurs. Gaza. À Gaza, il y avait des grandes manifestations pour dénoncer l'envahissement des territoires palestiniens par les Israéliens. Et lors de ces manifestations, il y a 17 Palestiniens qui ont été tués sans qu'ils aient provoqué quoi que ce soit. C'est l'armée qui les a visés dans la foule. Et qui les a tués ou blessés, il y a eu 700 blessés, quelque chose comme ça, par arme de guerre. Hein. Donc on leur a tiré dessus délibérément alors qu'ils ne menaçaient absolument personne. Il ne faut pas croire que c'était des fous furieux qui attaquaient les grillages de la frontière, etc. Non, ce n'était pas du tout ça. Et en plus, ceux qui ont été blessés, c'était souvent à l'intérieur de la foule, n'étaient pas aux abords de la frontière. Il y avait des dizaines de milliers de Palestiniens, il y avait des enfants, des femmes, enfin toutes les familles étaient venues pour participer. Ils n'ont jamais tenté de franchir la clôture. Ce qui n'a pas empêché l'armée israélienne de tirer à balles réelles sur les manifestants. Ça, c'est inadmissible. On n'a pas trop entendu les politiques là non plus, le petit jeune, là, comment il s'appelle, Macron, n'a rien dit. Non, il n'a pas dénoncé ça. Non, pas plus que ça. Parce que lui, il est chargé aussi de vendre des armes. Il vend des armes à l'Arabie Saoudite, il en a vendu d'autres encore, là, qui ont d'ailleurs été utilisées au Yémen. Les prises de commande de l'Arabie Saoudite ont explosé les deux années précédant le conflit avec le Yémen. 1,9 milliard d'euros en 2013, 3,6 milliards en 2014. 3,6 milliards, un peu déjà du pognon ça. Cette situation se traduit logiquement par une hausse des livraisons quelques années plus tard, alors que le conflit au Yémen bat son plein et que les Nations Unies ont mis en évidence la mort de milliers de civils dans des bombardements de la coalition. Autant de violations flagrantes du droit international. C'est vrai que le Yémen, on n'en parle pas. Ah ben non, on sait même pas que c'est. Une guerre là-bas. C'est l'Arabie Saoudite. Mais il a été reçu en grande pompe quand même à Paris par monsieur Macron. Il a visité les châteaux, tout ça, la belle vie, les palaces, tout le bazar. Ouais. Ils avaient dit qu'ils aborderaient quand même avec M. Mohamed Ben Salam. Mais quand il y a des contrats à la clé de 3 milliards d'euros, 3 milliards 6 d'euros, on est moins exigeant quand même. Hein. L'autre, il dit, vous arrêtez de m'emmerder, sinon vos 3 milliards, vous les aurez pas. J'annule les commandes, alors que Paris a déjà livré autour d'un million d'euros d'armement par an, à Riyad, depuis 3 ans. Alors, il y a des canons, il y a plein de choses, des obus, enfin tout ce qu'on veut, des roquettes, plein de choses. Oui, ça c'est la croissance, quoi. C'est la croissance. Qu'est-ce que vous voulez faire, vous ? Hein ? Quand même, 3 milliards 6 d'euros de commandes. Pas rien, ça. Ça équilibre notre balance commerciale. C'est ça, la croissance. La croissance, il faut que ça croisse. Voilà, c'est tout. C'est des dictatures, bien sûr. On avait fait pareil à Kadhafi. C'était la même chose. On lui a vendu les armes en pagaille, il a envoyé du poignon. Il a envoyé des chèques, des valises de billets, tout le bazar. Ça l'a pas empêché de mourir dans un trou d'égout, comme un rat. Ouais. Il n'y a pas que là-bas qu'il y a des dictatures. En Chine aussi. En Chine, ça va bien. On est en train de repartir pour une belle dictature. Troisième mandat pour l'autre, là. Et il y en a. Et la femme d'un avocat, là, disparu, là, qui marche pour dénoncer le sort fait à son mari. Là-bas aussi, on enferme les journalistes, on les neutralise, on les envoie dans des centres de rééducation, etc. Ils ont toujours la même technique. Voilà, alors là, elle a choisi de marcher, cette femme, qui s'appelle Li Wanzhou. C'est l'épouse de l'avocat Van Kanzan, détenu dans un lieu tenu secret, qui a entamé mercredi 4 avril à Pékin une marche pour rejoindre le centre de détention numéro 2 de Tianjin, mégalopone chinoise à une centaine de kilomètres, dont dépend la procédure visant son mari pour subversion de l'autorité de l'État. Peut-être que ça va venir ici, ça, bientôt, peut-être. Qu'on nous accusera de subversion. Elle dit, malgré le désespoir que j'ai souvent ressenti, je n'ai jamais abandonné l'idée d'un avenir meilleur. Ils y croient encore. Quelle force il faut avoir pour arriver à faire ça. Alors, elle sait, c'est parce qu'il est devenu cet avocat. Elle pense qu'elle a pu être tuée en prison, torturée. Elle n'a pas de nouvelles. Depuis le mois de juillet 2015, ça fait quand même un bail, ça. Ouais. C'est la Chine, c'est la Chine. Tiens, et Pékin, ils cherchent du sperme de haute qualité idéologique. Oui, pour faire de l'insémination artificielle, La croisade menée par le président Xi Jinping, au nom du Parti communiste chinois, fait des émules dans les domaines inattendus. L'une des 23 banques de sperme chinoises, l'hôpital numéro 3 de l'université de Pékin, a sollicité sur la messagerie chinoise WeChat, mercredi 4 avril, des donneurs dotés de la plus haute qualité idéologique. Ceux-ci doivent défendre le rôle dirigeant du parti, faire preuve de loyauté envers la cause du parti et être des citoyens honnêtes, respectueux de la loi, est libre de tout problème politique. C'est une publicité qui était envoyée. Ouais. Et pour donner son sperme, Alors, les banques de sperme chinoises sont uniquement ouvertes aux couples dont le mari souffre de stérilité ou d'une maladie génétique. Les demandes d'insémination artificielle seraient toutefois en hausse depuis l'assouplissement de la politique de l'enfant unique. L'annonce précise en outre que les candidats devront être âgés entre 20 et 45 ans, exempts de maladies génétiques infectieuses, sans surpoids, ni calvitie, ni daltonisme. Voilà, ceux qui sont retenus recevront 710 euros pour une dizaine de dons. Voilà, Donc, si vous pensez avoir du sperme de haute qualité idéologique, inscrivez-vous. La connerie n'a pas de limite. Il me fait mal aux yeux. Débranche ton soleil, rien qu'un peu. Débranche ton soleil et je te verrai mieux. Ce n'est pas si facile d'être heureux. Tu jouais dans les arbres, moi dans un escalier. Tu es né en vacances, j'ai grandi sans voir l'été. Débranche ton soleil, il me fait mal aux yeux. Il nous cache les malchanceux. Débranche ton soleil et nous y verrons mieux. Le bonheur est trop grand pour nous deux. Tu n'as jamais de doute, je m'inquiète d'un rien. Ton soleil suit ma route, mon ombre suit ton chemin. Débranche ton soleil au moins un jour sur deux. Débranche ton soleil rien qu'un peu. L'ombre et le soleil sont plus grands que nos yeux. Le bonheur va plus loin que nous deux. Ah, j'ai retrouvé un petit truc sur la religion. C'est une enquête qui a été faite c'est un livre, voilà, qui s'appelle La Tentation Radicale. C'est au PUF, ça coûte 23 euros. C'est une enquête qui a été menée par une équipe de sociologues qui analyse les déclarations de 7000 lycéens, c'est pas rien, âgés de 14 à 16 ans. Voilà, alors... 80% des lycéens interrogés disent qu'on ne peut pas se moquer des religions. Ça va faire plaisir à Macron, ça. Les jeunes musulmans placent Dieu au-dessus de tout, donc au-dessus de l'art. Ce qui surprend plus, c'est que les jeunes chrétiens, et même les jeunes tout court, disent la même chose. C'est la contamination. On ne peut pas rire de tout. Et c'est un jugement quasi unanime. Alors, ils disent entre autres que les attaques de Charlie Hebdo l'a un peu cherché, bien sûr, il l'a un peu cherché, Charlie Hebdo. Bah oui, on tue une quinzaine de personnes, 12, je ne sais plus combien, 14. Et ils l'ont cherché, ouais. Ouais, ben oui, c'est ça, la religion, hein. La religion, bah oui. C'est comme le pinard, ça bouffe les neurones. La croyance en Dieu va souvent de pair avec la croyance en des thèses complotistes et avec la défiance envers le savoir académique. À cela s'ajoute l'antilibéralisme culturel, qui cette fois concerne surtout les jeunes musulmans. Tout ce qui touche au corps et au sexe devient problème. Par exemple, l'homosexualité, massivement condamnée. Depuis les attentats de 2015, on ne compte plus les lieux culturels qui, sans le dire vraiment, refusent les spectacles à problème. Sur les catholiques un peu, sur les musulmans beaucoup. Donc opte pour l'autocensure. Il faut être algérien, comme les écrivains Boulem Sansal, alors là, oui, qui est formidable dans son écriture, Kamel Daoud aussi, pour dénoncer la menace de l'islamisme sur la liberté de création. C'est pour ça que l'État doit être indépendant de toutes les religions. Les religions font ce qu'ils veulent, ils se démerdent, on n'en a rien à foutre. Mais qu'ils ne viennent pas nous emmerder dans la vie publique. Nous aussi, on fait ce qu'on veut dans la vie publique, dans la mesure où on ne gêne personne. Voilà. Bordel. Faut le rappeler, quoi. Il y a aussi Ariane Mouchkine, hein, qui, dans son dernier spectacle, Une chambre en Inde, met en scène des barbus qui tournent un porno, dont le maître du jeu finit par ressembler au chaplain du dictateur. Ça, c'est dommage, j'ai pas pu aller le voir, ce théâtre. Voilà, mais j'espère pouvoir y aller un jour. Hormis peut-être une petite partie de ces lycéens, les plus favorisés et cultivés, là, c'est le monde à l'envers, 60% d'entre eux disent que l'artiste peut se moquer des religions, comme si deux jeunesses s'opposaient dans une république disloquée. Le livre est en chute libre, comme l'a montré Sylvie Octobre dans 2 pouces et 2 neurones. Il n'est plus le dopant de l'imaginaire, ni le réceptacle des lumières, mais est perçu comme un objet de contrainte. Il est remplacé par les images et Internet, vidéos, films, séries, le tout amplifié par les réseaux sociaux. Voilà. Ben oui, c'est plus facile de surfer sur Internet que de lire un bouquin pendant 2-3 jours. Il faut un peu analyser, réfléchir, etc. De ce qu'Internet veut. On passe dessus, celle-là, ça ne nous plaît pas. On change de truc, on en fait un autre. Voilà. Alors, c'est pas joyeux tout ça. Hein? Ouais. Alors, c'est une chronique de Michel Guérin, là, dans Le Monde. Il dit, finissons sur une touche nostalgique avec le film de, je sais pas, de Luca Guadagnino, actuellement sur les écrans. Son décor à l'Italie de l'été 83. Il n'y a pas de portable, pas d'écran, pas de jeux de vidéo, pas de YouTube, pas de réseaux sociaux. Que font ces jeunes? Ils lisent beaucoup, jouent de la musique, ou en écoute, discutent, dansent, draguent, bronzent, font du vélo, s'ennuient. Très bonne formation, voilà. Mais aujourd'hui, c'est fini. Ben non, on est tous avec sa plaquette là. Ben oui, on passe dessus. On n'apprend rien en plus. Quand on apprend, c'est sur des trucs à la con. Des fausses nouvelles. Ouais. Bon, allez, ça suffira pour aujourd'hui. Salut à tous et à bientôt.